croise ma gauche. C'est mon sang qui m'aime, c'est toute la promotion qui m'aime, il y a les absents. Il y a les absents, c'est vraiment la promotion de 275. Un peu de silence, s'il vous plaît, et votre attention. C'est moi, des mains. Alors, en ce qui concerne l'examen post-articulaire dans le monde. D'abord, j'attire votre attention sur certains points. Tout examen clinique, d'accord, doit se faire de l'ensemble corporel. C'est-à-dire, ce qu'on voit bien, les gens ne sont plus corporels et s'amusent à demander des bilans à tort et à travers. D'accord? Un examen par clinique ne doit jamais venir suppléer à un examen clinique défectueux, bien qu'il n'a jamais été fait. D'accord? Donc, toujours, donnez-vous la peine de faire un examen clinique minutieux. Ceci vous parle. Votre examen clinique minutieux va pouvoir aider votre démarche diagnostique et thérapeutique. C'est très important. C'est-à-dire, vous savez très bien que dans la pathologie ostéo-articulaire, généralement, donc, il n'y a pas donc, de possibilité à l'inéonture, généralement, sauf dans certaines maladies de système, okay, où on a une atteinte systémique. Donc c'est surtout le pronostic fonctionnel qui est compromis, qui va se compromettre. Donc si votre examen clinique sera défectueux, vous allez aboutir à un diagnostic erroné et par conséquent des conséquences handicapantes et structurelles néfastes pour le malade. D'accord? C'est clair? Ceci pour l'examen clinique. Deuxièmement, pour l'interrogatoire. L'interrogatoire en oncologie garde une place prépondérante. Parce que, en oncologie, généralement, les pathologies sont très confondues. D'accord? Ils se confondent entre eux et c'est des pathologies qui sont très souvent systémiques. Si vous ne vous donnez pas la peine de bien interroger votre malade, vous serez aussi à côté du diagnostic et votre point de vue thérapeutique sera aussi erroné. C'est clair? Donc, l'interrogatoire est une étape essentielle, c'est-à-dire que l'interrogatoire doit être comme une enquête de police vis-à-vis du malade. En oncologie, c'est ça. D'accord? L'interrogatoire est l'examen clinique qui doit se faire normalement de la tête jusqu'au pied. Pourquoi? Parce que, pour la même raison aussi, en rhumatologie, les pathologies sont très souvent intriquées et confondues. Il y a pas mal de rhumatismes qui peuvent avoir le même mode de début. Si vous ne vous donnez pas la peine de bien interroger votre malade, de faire un examen minutieux, vous risquez d'être à côté du diagnostic. C'est clair? D'accord? D'accord. Une pathologie inflammatoire qui, après une maltraité ou non traité ou insuffisamment traité va altérer secondairement le cartilage. On a une chirurgie inflammatoire chronique qui va altérer secondairement le cartilage et qui va, à la suite, en fin d'évolution, c'est surtout le tableau mécanique dans ce cas-là qui va prépondérer voilà, sur le tableau clinique. Donc, c'est des malades qui vont avoir surtout des douleurs de type mécanique. C'est clair ? D'accord ? Donc, on a dit que les analyses doivent se faire de la tête jusqu'au cul. D'accord ? Donc, vous avez des articulations périphériques, des articulations des membres, vous avez des articulations axiales, périphériques, c'est-à-dire épaules, coudes, mains, petites articulations des mains, hanches, genoux, chevilles, tarses et MPP et IP des orteils. Les interphalangiens des orteils. C'est clair. Pour les articulations axiales, donc c'est l'axe pelvi-rachidien qui comprend le rachis cervical, le rachis dorsal et le rachis lombaire. Et je peux donner des questions dans le contrôle sur ce terrain. Vous pouvez poser des questions sur le PD. OK ? Donc, si vous voulez, vraiment, je n'ai pas tout le corps à vous remettre en compte de séance. Je peux vous donner donc les sites sur lesquels vous pouvez trouver. Et sinon, je ne vais pas remettre le bout de corps. Donc, si vous voulez, donc, pour ceux qui savent que ça intéresse, prenez-moi en parallèle. Je peux poser des questions. OK ? Donc, pour l'aspect du rachidien, vous avez donc le rachis cervical, le rachis dorsal, le rachis lombaire, et vous avez les articulations quoi ? Sacrum et iliaque. Est-ce que vous avez déjà que vous pouvez dire ou non ? Non, ça va vous tromper. Donc vous n'avez pas vraiment d'idée de. Donc vous avez l'aspect du rachidien, donc c'est donc les articulations axiales, rachis lombaire, dorsal, lombaire, cervical, dorsal, lombaire, et les articulations des deux articulations sacro-iliaque. C'est clair ? D'accord ? Votre examen clinique, il doit débuter, il doit être toujours. Comme pour la radiographie, comme je l'ai déjà dit pour la radiographie en bien compte, c'est la même chose pour l'examen clinique, il doit être toujours comparatif. Toujours. Même si vous avez juste un souci particulier, toujours examiner le côté contralatéral. Donc il doit être toujours comparatif. OK ? Donc, un petit rappel sur l'articulation. Donc, vous avez l'articulation, donc c'est une structure qui relie deux parties osseuses, voilà. Voilà, d'accord ? Vous avez les surfaces articulaires, d'accord ? Vous avez le cartilage qui recouvre les facettes articulaires. D'accord, ceci est pour le cartilage. En fait, ce que vous voyez sur la radiographie comme interligne articulaire, ce que vous voyez sur l'interligne, c'est le cartilage, parce qu'il est radiotransparent. C'est pour ça que quand on a une destruction du cartilage, vous avez continuité. Un pincement de l'interligne articulaire. Donc c'est un espace virtuel, d'accord, mais il est comblé par du cartilage. D'accord. Vous avez donc le cartilage, vous avez les franges, il y a la synoviale. Alors le cartilage d'abord, le rôle du cartilage, donc il est, c'est un tissu avasculaire, d'accord, qui contient donc, des chondrocytes avec le substance fondamental. Le rôle du cartilage, c'est quoi ? C'est, voilà, c'est de protéger les surfaces articulaires, les surfaces de glissement articulaire, premièrement, et deuxièmement, ça amortit aussi le choc. D'accord ? C'est un amortisseur de choc. Vous avez les branches synoviales, d'accord, qui englobent l'articulation, Le rôle de cette synoviale, c'est quoi? C'est de sécréter le liquide synovial qui permet le glissement, bien sûr, en très petite quantité. Le liquide synovial, donc, il est présent en très petite quantité au niveau de la cavité articulaire. Mais à côté de ça, la synoviale permet de sécréter dans certaines substances utiles pour le cartilage, principalement les protéoglycanes, qui, dans donc, l'arthrose, la déperdition de ces protéoglycanes, qui va altérer secondairement le cartilage. D'accord? Et vous avez la capsule articulaire, maintenant. Vous avez la capsule articulaire, et vous avez, dans ce qu'on appelle tendon, vous avez c'est un prolongement, donc il se prend toujours par ceci, et tendon, voilà. C'est le prolongement de là, le muscle, c'est le point d'attache, d'accord, du muscle sur les parties osseuses. D'accord. Donc c'est une idée générale sur donc, les constituants, les principaux constituants de tout. Voilà. Bon, un petit rappel pour vous, je sais que, bon, parce que le PD de la radio, il sera fait par un résident. Alors, sur le plan radiologique, comment on fait rapport entre une arthropathie inflammatoire et une arthropathie. C'est une parenthèse, ça ne fait pas partie de notre télé. C'est une parenthèse pour vous. Alors, donc on va essayer de départager le tableau en deux. C'est pour vous, c'est-à-dire une pratique de généraliste. Ok? Caractéristique aussi, il est global. D'accord? le pincement de l'interline dans les pathologies inflammatoires, il est global, c'est-à-dire qu'il prend toute la surface articulaire. Par contre, dans la pathologie dégénérative, le pincement, donc, il est électif, c'est-à-dire il prédomine sur un côté plus qu'un autre. D'accord ? Donc le pincement, il est généralement électif, il est soit interne, soit externe. Ok ? Tout dépend donc de la surcharge, de la charge, des pressions exercées sur l'articulation touchée. Donc le pincement, il est électif. Et ici, il est total. D'accord ? Voilà. Bon. Ceci étant les principaux signes radiologiques et pardon. Troisième signe, pardon, la pathologie inflammatoire, c'est l'apparition assez précoce de géodes ou bien d'encoches. Une encoche, c'est cet aspect. D'accord. On dit encoche. Vous avez posé autrefois une question. Ceci est une image d'encoche. Ceci étant une image de géode. D'accord. Pour la pathologie dégénérative, à l'instar des géodes ultérieurs, on peut discuter aussi des géodes au niveau, mais moins fréquentes que dans la pathologie inflammatoire, des géodes au niveau aussi de l'os sous-contralte, au niveau de la partie osseuse, d'accord, de l'os partie osseuse qui vient en contact avec le cartilage. Des géodes qui siège au niveau de la partie pincée. D'accord. Les géodes au niveau de l'os sous-chondral qui siègent au niveau de la partie pincée. C'est clair jusque-là? C'est clair? C'est clair? D'accord. Voilà. Et enfin, bon, pour une pathologie inflammatoire, tout dépend de la cause. Si c'est un problème infectieux, on aura carrément une érosion épiphysaire, des érosions des épiphyses. Si c'est une pathologie inflammatoire rhumatismale, donc ce sont les principaux signes. Pour la pathologie dégénérative, à côté de ça, il va y avoir, surtout au niveau des parties pincées, d'accord, l'apparition de ce qu'on appelle des ostéophytes. Je vais le mettre ici. Les ostéophytes, dense, opaque, c'est des excroissances osseuses marginales, d'accord, qui siègent au niveau épiphysaire sous forme de berques. D'accord. Donc c'est des excroissances marginales, voilà, et c'est des signes qu'on peut retrouver pour une pathologie infectieuse guérie quand il y a une destruction du cartilage. L'apparition de ces dettes ostéophytiques est un signe de guérison. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a une guérison avec des images qu'on appelle de reconstruction. D'accord. Dans la pathologie dégénérative, on a ce qu'on appelle les ostéophytiques. Donc c'est un signe de guérison. Pardon ? C'est un signe de guérison. Pardon ? C'est un signe dans la pathologie infectieuse. Des images de reconstruction périphérique ou bien vertébrale signent généralement la guérison. Dans la pathologie infectieuse. De la pathologie infectieuse. Mais chiffre dégénératif. Non, pas dégénératif, infectieuse. D'accord. Je vous ai dit que ces images de reconstruction. Oui. On n'arrive pas aux autres. Vous n'entendez pas? Oui. D'accord, vous avez forme ce qu'on appelle une démonisation en grande caractéristique, surtout dans la rhumatique rhumatoïde, maladie en grande, parce que vous avez une inflammation d'une lignée articulaire qui, dans cet aspect de démonisation en grande, donne la rhumatique rhumatoïde. Ok ? Donc, c'est cette démonisation qui définit dans la rhumatique la démonisation en grande. Vous allez voir ça. Donc, vous avez une démonisation acquise, vous avez un placement qui est global, d'intermédiaire particulière, et on dit placement et placement. Je vais le faire, on dit placement et on dit placement particulière. Ok ? Donc, il est global. Secondairement, on va voir après donc, des images dans le gauche et de GE. Ceci étant le GE, et c'est maintenant une en gauche. Alors, pour la pathologie dégénérative, donc, vous avez, au lieu d'une dénivellation de l'os chondral, vous avez plutôt une condensation de l'os chondral. D'accord ? Par microfracture, donc au niveau de cet os, par surcharge, donc généralement donc, mécanique, on va assister à une condensation de l'os chondral, surtout au niveau de la région. Avec une dimension de la hauteur du terrain. Ok ? bénévoles qui se calment généralement avec l'arrêt de l'exercice physique ou bien de l'effort, en fin de journée, d'accord ? Bon, c'est une douleur qui peut s'accompagner d'un débrouillage matinal. C'est quoi un débrouillage matinal ? C'est-à-dire, c'est des personnes qui se lèvent le matin raides, d'accord ? Rouillées, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à mobiliser ces articulations. Ils vous disent, je suis bloqué, d'accord ? C'est ce qu'on appelle raideur matinale. Cette raideur matinale peut exister même pour une douleur mécanique, mais généralement elle est éphémère. Elle est éphémère, c'est-à-dire qu'elle dure généralement quelques minutes, un exception de 30 minutes. Généralement, elle est de 15 minutes. Une raideur qui excède les 30 minutes et en termes de brosser dans la maladie, généralement, surtout s'il s'agit d'une articulation non portante. D'accord ? Non portante, c'est-à-dire non portante. Les articulations portantes, c'est les articulations des membres inférieurs. Ok ? Portant, non portante. Les articulations non portantes. Les articulations portantes, voilà, la raideur, elle peut se prolonger au-delà de 30 minutes, surtout pour la douleur arthrose et la grosse arthrose. Mais d'une manière générale, elle n'excède jamais les 15-30 minutes. Elle est éphémère. Parfois, elle est de quelques minutes, une à deux minutes, et puis le malade est complètement débloqué. D'accord ? Cette douleur mécanique, elle peut réveiller le malade à l'année. Mais, nuance, attention, il faut savoir piéger le malade. Parfois, le malade est petit, bon, ça me réveille, ça ne passe pas de nuit, attention, il faut savoir poser la question. Est-ce que ça vous réveille ? Sans changer de position, bien réfléchir à la position. Si c'est une douleur qui le réveille, de toute façon, soit la nuit, soit le changement de position, c'est une douleur qui vous réveille. Dans certains ouvrages, moins de deux mots. D'accord ? Donc, sa mort comme un lien au deuxième signe. D'accord ? Donc, troisièmement, localiser la douleur. C'est une douleur périphérique, c'est une douleur périaxiale, c'est une douleur périphérique. Dans ce cas-là, définir si c'est une douleur monoarticulaire, et ça va de 0 à 10 cm. l'agissement de l'affect pour la douleur sur, sur l'activité donc, professionnelle du malade et pour les habitudes donc, journalières du malade. Donc, pour cela, on dispose pour certaines affections, je dis bien pour certaines et pas pour toutes les affections, de certaines, donc, certaines mutations, certains indices. Tels que l'indice de Loken, le scan Loken, d'accord, pour la gonarthrose et la coxarthrose. Et on a le HAQ, donc le HAQ, pour donc, l'assessment questionnaire pour la première clinique de Madrid. C'est quoi? Donc, c'est des questions qu'on pose au malade par rapport à toutes les activités qu'exerce le malade durant la journée. L'habillement, le manger, d'accord, le chaussage, la montée, la descente des escaliers, ouvrir, fermer la lame, c'est-à-dire essayer de compter le degré d'handicap du malade pour réaliser ses gestes quotidiens. Et de là, vous allez compter votre malade. Pour l'indice de l'échelle de 0 à 4, et pour l'indice pour la HQ, c'est de 0 à 3. Et vous avez d'autres indices. Pardon ? Pour la HQ, c'est de 0 à 3. La HQ, c'est de rite, assessment, questionnaire. Donc, questionnaire. De rite. Donc, vous trouvez ça dans n'importe quel ouvrage. Gardez le HQ. Le HQ, H, A, Q. H, le but, assessment, questionnaire. D'accord? Le HQ, d'accord? L'indice, 2, pour le 1. D'accord? Pour ça, pour la pour le HQ, c'est pour la polyarthrite. Vous avez nos bases d'aide, nos bases slip, ou la sponge d'arthrite en tout. Donc, je vous ai cité tous les exemples. Le tellement propre, il appartient à la personne à qui il m'a compté cette notation. D'accord. Et pour le HQ, c'est pour la première clique. La clé. Silence, s'il vous plaît. Donc, selon votre pathologie, donc vous allez essayer d'apprécier le retentissement de cette douleur sur donc, la réalisation des gestes de la vie quotidienne du malade. Après, donc, la douleur, toujours un interrogatoire, il faut toujours élargir votre interrogatoire. Pourquoi? En rhumatologie, la pathologie médicinale est très souvent systémique. Donc, savoir rechercher dans d'autres signes qui peuvent augmenter votre diagnostic, tel que pour la goutte. Donc, les antécédents de prise médicamenteuse, telle l'aspirine, diurétique, rechercher donc la notion de diarrhée, le diarrhée avec hémorragie dans le cadre d'une maladie de Crohn, FCH dans le cadre d'une entérochondropathie, rechercher la notion d'actose, l'actose colère dans le cadre d'une maladie de SF, rechercher les antécédents du VIH, une VIH, antérieure et postérieure, donc qui est très fréquente dans plusieurs pathologies rhumatologiques, principalement les spondylarthropathies d'une manière globale, c'est-à-dire la spongeur qui est en présent, la maladie de Bessin, la sarcoïdose. Rechercher la notion de fièvre dans le cadre d'une atteinte mono-articulaire polyaxiale aiguë, dans des cas perceptifs. Rechercher une altération de l'état général, une perte de poids assez rapide dans le cadre d'une pathologie néoplasique. Le phénomène de rhume, c'est un signe qui apparaît très souvent dans les maladies systémiques, principalement la sclérodermie, le lupus, d'accord. Et il survient, c'est un signe qui survient généralement avec le froid, d'accord. Le patient a une compréhension généralement de trois phases successives. Un aspect qui touche les parties distales des doigts et des pieds. La partie distale, pas proximale, la partie distale des doigts et des pieds. Le patient a une compréhension d'abord d'une phase livide. Une phase livide. Le patient dit que mes doigts deviennent jaunâtres, exsangues. Aucune goutte de sang. C'est ce qu'on appelle une phase livide. Donc, quelques minutes après, on va apparaître une phase dite cyanotique. Il y a une cyanose, d'accord, un aspect bleuâtre dans la partie couchée. Et enfin, une phase de recoloration, rougeâtre, d'accord, c'est la dernière phase. Et ceci décrit le tableau d'un phénomène de rhume typique. Mais vous n'êtes pas toujours, d'accord, vous n'avez pas toujours l'occasion de tomber sur des cas typiques, des fois le patient n'a pas compréhension, juste une phase lithique. Des fois c'est juste une phase cyanotique, d'accord. Et bien sûr, le rhume, il pose un diagnostic différentiel avec d'autres signes, surtout les hémorragies, qui est une rougeur, avec un aspect ténénaire qui est dit aussi. Savoir de reproduire si c'est possible, si le malade a une information de ce phénomène, tout simplement en consultation. Donc, si le malade est hospitalisé, essayez de ramener le loup, glacé avec des glaçons dedans, et essayez de reproduire ce phénomène. C'est clair? Donc, l'interrogatoire, il est très important en neurologie afin d'orienter votre conduite. Diagnostic et thérapeutique. On passe à l'examen clinique proprement dit. Commençons par les articulations périphériques. Alors, pour les articulations périphériques, vous avez un enchaînement, d'accord, que vous devriez garder en tête. Écoutez, par la suite, avec la pratique pour les gens qui vont devenir spécialistes, ça va vous prendre quelques minutes, parce que par la suite, c'est l'expérience. Okay. Au début de notre pratique, donnez-vous la peine de faire tout ça. Donnez-vous la peine. Vous allez prendre 30 minutes, 40 minutes pour faire des observations avec vous-même, et par la suite, c'est rapide. Vous allez poser vos questions tout en examinant les malades, le malade. D'accord? Donc, pour les articulations périphériques ou bien pour les articulations centrales, vous avez donc un enchaînement que vous devriez garder en tête. Vous avez d'abord l'inspection. Le patient, normalement en pathologie, le malade doit être déshabillé du côté donc, sur lequel vous allez exercer votre examen. Il doit être dévêtu, déshabillé. Parce qu'il y a le côté inspection qui vous aide énormément. Donc vous avez l'inspection, donc vous observez, dans les tégumes, si c'est rouge, si c'est rhumeux, si c'est liquide. Si c'est un aspect rougeâtre, si c'est un aspect rosé, si c'est inflammé, si c'est un rougeli, si c'est tuméfié, d'accord, c'est-à-dire disparition des limites articulaires par l'existence d'un liquide intra-articulaire, d'accord. Donc vous avez l'inspection, vous avez donc cherché des déformations, une laxité, une hyperlaxité, au niveau des mains, par exemple, dans la polyarthrite ou un bruit, vous cherchez un usage. Des dents boutonnières, des déviations à tout vent, donc vous cherchez des déformations que vous pouvez voir, des nodosités, des berdelles pour l'arthrose des IPD, des nodosités de bouchard pour l'arthrose des IPP. Donc tout ça, c'est à l'œil nu. D'accord? Puis, vous passez donc à la palpation. Alors, pour la palpation dans ce cas-là, d'abord, attention, vous allez dire si votre articulation est douloureuse, c'est pour ne pas se répéter tout à l'heure avec chaque site articulaire. Donc, suivez donc ces étapes. Donc, la palpation donc un épanchement intra-articulaire, pour les articulations périphériques, pensez à l'œil médical, pensez à l'œil nu, quand vous le détectez, c'est-à-dire à la passion, vous avez là un aspect, en quelque sorte, un peu rénitent de votre articulation, donc la présence de l'épanchement est plus, plus facile à percevoir quand s'il s'agit d'une grosse articulation et surtout pour le genou. Donc pour la hanche, c'est une articulation qui est très profonde, donc c'est très difficile pour repérer l'épanchement et pour cela, on voit généralement s'aider d'une échographie, la même chose pour l'épaule. Sauf en fait des coursifs, d'accord, où on a la possibilité de visualiser, mais on peut donc quand même prédire l'existence ou non d'un épanchement déjà, donc à la palpation, donc même si c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire, même pour la petite articulation. Donc, à la palpation, donc, vous cherchez aussi, comme je vous le dis, dans l'existence d'un épanchement articulaire, et si c'est possible, et si vous avez la possibilité, ponctionnez toujours le liquide qui sera d'une aide, donc, très précieuse dans votre diagnostic. Déjà, à l'œil nu, quand vous ponctionnez, quand vous voyez l'aspect du liquide, si c'est un aspect clair, donc un peu uniforme, brûlant, déjà vous serez orienté pour votre diagnostic. Et toujours, tout liquide ponctionné doit être étudié. Faire une étude psychologique. Alors, on cherche par exemple le cristal, faire une étude bactériologique impérativement à la recherche, même devant d'authentiques aspects, donc du monoprix inflammatoire, non-sceptique, toujours demander donc une étude bactériologique du liquide, peut-être aussi amener à infiltrer le malade, et là, donc en venant, on n'a pas le droit d'infiltrer une articulation infectée. Donc, l'étude cytologique est impérative. Donc, à l'œil nu, vous pouvez faire la part déjà donc, entre un liquide mécanique et un liquide inflammatoire. Un liquide donc, de type mécanique, à l'œil nu, clair. Vous avez donc un aspect de la couleur, généralement, elle est jaune clair, vert, jaune citron. D'accord ? Et vous avez ce qu'on appelle le signe du film. Donc si on fait, donc si on pousse sous la trousse sereine, donc le liquide qui commence à couler, donc vous avez ce qu'on appelle le signe du fil, un fil continu entre les gouttes. D'accord ? Un fil entre les gouttes, un fil continu. Vous le voyez, mais c'est ce qu'on appelle le signe du fil. Pour un liquide de type inflammatoire, vous avez ce qu'on appelle donc, le signe du goutte à goutte. Il est très niche. Donc, le liquide mécanique, il est visqueux, il est épais, d'accord ? Il est aussi cellulaire, c'est-à-dire, il n'y a pas assez de cellules dans le liquide mécanique. Généralement, de 100 à 200, et ça n'excède jamais les 2000 éléments cellulaires. Pour un liquide inflammatoire, c'est un liquide qui est riche en éléments cellulaires, et cette richesse en éléments cellulaires, lui fait perdre le caractère visqueux. D'accord ? Et c'est pour ça que vous avez le signe du goutte à goutte pour le liquide inflammatoire. Et vous avez le signe du fil, parce qu'il est visqueux, épais, pour le liquide mécanique. D'accord ? Et pour les cytologies, le liquide inflammatoire, il est riche en éléments cellulaires, ça va généralement s'accéder aux cernes. Et pour les arteries sceptiques et métaboliques, ça peut arriver jusqu'à 50 000 éléments cellulaires. Il y a probablement un intérêt ou non intérêt. Oui, ça me met. Pardon ? Métabolique. Alors, la couleur du liquide, c'est jaune foncé. Elle est plus foncée, d'accord ? Donc, la couleur, elle est plus foncée. Le liquide mécanique, il est jaune clair. Le liquide inflammatoire, il est jaune foncé. D'accord ? C'est clair ? Donc, Donc après la nullité, donc on passe à l'étude. Donc de l'examen clinique, articulation par articulation. Pour les petites articulations, ou les amplitudes. Bon, on s'entend deux fois pour tout, ou les amplitudes articulaires, vous allez les trouver sur quel ouvrage. Je ne vais pas vous demander à vous apporter les amplitudes de chaque site articulaire. D'accord ? C'est apporté dans même. Entrez sur Internet, tapez observation à Monaco et vous avez des tableaux pour les mains, pour les coudes, pour les épaules, pour les hanches, la cheville, le genou. Je ne vais pas en parler, je vais juste insister sur certains examens spécifiques en pneumologie. D'accord ? Donc pour l'examen clinique, pour les petites articulations, je n'en reviens pas. Inspection, donc palpation. Donc, mobilité, unité pas unité, douance pas douance. Pour le poignet, donc vous avez la flexion palmaire, vous avez la flexion dorsale, vous avez l'inclinaison latérale radiale et vous avez l'inclinaison latérale cubitale. Flexion, flexion palmaire, dorsale, inclinaison latérale radiale. Cubital. D'accord. Voilà. Et bien sûr, la palpation, essayez de rechercher une projection qui est parfois visible, on arrive à visualiser, et dire si c'est du nouveau mouvement, si c'est pas du nouveau. Recherchez la présence de compression, telle que des tophus au niveau. Donc, à la palpation, donc, ils vont apparaître souvent du module dur. Et donc, normalement, c'est tout. Pour le coude, vous avez flexion, expansion, flexion, supination. D'accord ? Bon, pour le coude, recherchez des points douloureux aussi, au niveau de l'épipendie, ce qu'on appelle une épipendinalgie, d'accord ? À la question de l'épipendie, au niveau de. Donc, l'épitroclée, voilà, donc l'épitroclée, donc dans le rappel, l'épitrocléite, d'accord. Toujours examiner aussi la face dorsale à la recherche d'une bursite, voilà, très bien, d'accord. Donc, pour l'arthrite, pour visualiser l'arthrite, généralement, vous avez une disparition de ces membranes entre qui existent entre les pendis et mon écrasement. Vous avez normalement un petit éméclat. Quel aspect aplatie, quand il y a une contraction avec un gonflement, donc par un liquide articulaire, vous avez une disparition de ces éméclats. D'accord ? Pour l'épaule, vous avez donc à l'inspection, et l'examen il va être toujours, je le répète, toujours comparatif, des habits de malade, pour à l'inspection. Toujours les mêmes signes que j'ai cités tout à l'heure. Alors, pour l'arthrite de l'épaule, bon, si c'est une arthrite inflammatoire, bon, des fois c'est difficile de repérer les penchements et c'est l'échographie qui permet de visualiser la présence du liquide. Des fois, la collection est très importante et là, ça donne un aspect comblé au niveau du sillon delto-pectoral. Vous avez un aspect comblé, d'accord ? Avec au palpé et l'aspect rémitant au palpé, donc qui prédit l'existence d'un comblement par un liquide articulaire. Pour l'étude de la mobilité, vous avez pour l'épaule, donc des structures articulaires et péri-articulaires. Articulaires pour la gléno-humérale proprement dite, vous avez l'antépulsion, d'accord ? Vous avez la rétropulsion, d'accord ? Vous avez les mouvements de rotation externe, interne, donc qui peuvent se faire aussi coup de corps, abduction. Externe, interne, d'accord ? Et les mouvements d'abduction. Et les mouvements d'adduction, d'accord ? Pour les structures périarticulaires. sous-épineux, le petit rein et le sous-scapulaire. Vous avez quatre compartiments, quatre muscles de la poire, le sus, le sous-épineux, le petit rein et le sous-scapulaire. Et vous avez un cinquième qui vient aider accessoirement la poire, qui est donc le lent bicipital. Le lent bicipital, le lent bicipital. D'accord, c'est clair. Alors, pour l'examen de ces tendons et de tout tendon, l'examen des tendons du mamie global se fait, faut connaître le mouvement qui revient à chaque tendon. À chaque tendon. D'accord. Et vous allez essayer de faire ce qu'on appelle des mouvements contrariés. C'est-à-dire, vous allez essayer de faire des mouvements contre-résistance. Pour le sus-épineux, donc qui est responsable généralement de l'abduction, on fait une abduction contractile, d'accord. C'est-à-dire, le malade est assis, encore en position neutre, vous lâchez, vous demandez au malade de faire une surélévation, d'accord, de l'épaule, et vous essayez de faire un mouvement d'abduction contractile. Vous avez une deuxième manœuvre, ce qu'on appelle la même manœuvre du yoga. Travail. Jump. Et vous, comme examinateur, vous allez Madame la la coiffe des rotateurs évoque... Mon tendinite vient une rupture, d'accord ? Tendinite ou rupture ? Quand vous avez une rupture qui est partielle, donc le patient, il peut penser avec le long biceps, d'accord ? Surtout, vous avez principalement la rupture, vous avez principalement la rupture du sous-aiguille, donc c'est le plus clairement rentré. Parfois, c'est dû à des traumatismes sévères, surtout chez les sportifs, bien chez les femmes âgées, d'accord, qui présentent des osteoarthroses. Le nombre des tendons. Oui, on peut avoir une rupture totale d'un tendon, mais qui est partielle pour la coiffe. D'accord ? Et sur le même tendon, on peut avoir une rupture partielle du même tendon. C'est clair ? D'accord ? Autre question. Bon, on a validé, donc avec la capsule, donc décongelé, la capsule, quand vous avez une rétraction de la capsule, on a le bras, donc c'est une épaule qui est complètement raide, gelée. Il y a plusieurs étiologies, le diabète, l'hypothyroïdie, le traumatisme, les fractures. Il y a plusieurs étiologies. Pour une étiologie, des ABC, des IDM, qui peut donner ce type de capsule contractile. Je ne sais pas si on va prendre quel sens. Pour la dystrophie, ça n'a pas été mis sur le programme, elle a oublié. Je ne sais pas si elle va rajouter ou non. Alors, on termine, s'il vous plaît, pour les membres inférieurs. Je vais essayer de faire un tableau. Pour les membres inférieurs, pour la hanche, on commence par la hanche. Alors, la hanche, l'examen de la hanche se fait en deux temps, en position debout, d'accord ? Trois temps, pardon. Debout, la marche, et sur la table, impérativement. Donc, les habillés malades, à l'inspection, d'accord ? Essayez de regarder la déchaussée, essayez de regarder s'il y a une inégalité des membres, est-ce qu'il y a un flesson, d'accord ? Un flesson, c'est-à-dire une articulation qui est donc en position fléchie qu'on n'arrive plus à ramener en extension. C'est ce qu'on appelle un flesson articulaire. Et on peut le voir le coude, la hanche ou le genou, ça s'écrit comme ça. Descend, descend, ou descend, comme ça. Ces deux sont juste. D'accord. Regardez s'il y a donc, pardon, donc une hanche en image, en descente, une inégalité des membres, s'il y a un comblement au niveau du creux, donc au niveau de l'aine, la douleur de la hanche, c'est au niveau de l'aine, au niveau du pli inguinal, d'accord? Donc la douleur typique d'une coxopathie, c'est-à-dire l'atteinte de la coxopathie normale, elle siège au niveau de la région de l'aine, au niveau du pli, d'accord, inguinal. Parfois, à des stades évolués, la douleur peut donc devenir externe, trochanterienne, ou bien au niveau de la face, au postérieur. D'accord. Et une douleur typique de l'atteinte de la coxo fémorale, c'est au niveau du pli inguinal. D'accord. Donc, regardez si il y a un comblement au nerf, si c'est une collection assez importante. Et puis, vous demandez au manège de marcher. Et là, on marche pour chercher une boiterie, rechercher une boiterie, c'est-à-dire une maladie boite, d'accord? La douleur qui fait boiter le malade, rechercher une esquive du bas. Je sais que c'est une terme un peu lexique, très riche en douleur. Esquive, c'est pas? Esquive, c'est-à-dire, c'est un patient qui n'arrive pas à soulever le membre dans le membre de son artère et qui le traîne. Il le traîne comme ça. C'est ce qu'on appelle esquive. Du pas, d'accord? Vous cherchez aussi si le patient donc, a une rotation avec une marche généralement en termes de hanche, s'accompagne d'une attitude vicieuse en rotation flessante et rotation externe. C'est des patients qui marchent comme ça. La mobilité articulaire proprement dit, et là vous avez Quand le genou est fléchi à 90 degrés, on arrive à fléchir l'angle jusqu'à 50 degrés. C'est-à-dire la façon de la cuisse contre la paroi abdominale. C'est-à-dire on peut venir de 135 degrés. Quand le genou est tendu, la flexion est de 90 degrés. Donc flexion, extension, et vous avez l'hyperextension, et l'hyperextension elle se fait en décubitus ventral, le patient se place à la ventre et vous faites une hyperextension de la hanche, d'accord? Donc elle est généralement de 15, maximum 30 degrés. Vous avez un mouvement d'abduction. Abduction, c'est vers l'extérieur. Abduction, c'est vers l'intérieur. Abduction de 40 à 50 degrés. Adduction de 30 à 35 degrés. C'est clair? Extension, adduction, et vous avez des mouvements de rotation. Alors, pour les mouvements de rotation, votre attention, s'il vous plaît. Les mouvements de rotation. Oui. Ces atteintes sont la cause de l'arthralgie mécanique? Non. Attention, apparemment, c'est un peu compliqué encore, parce que c'est très vaste. Il y a la pathologie inflammatoire, il y a la pathologie mécanique, il y a les douleurs projetées, Mais c'est l'examen clinique. Un peu de silence, s'il vous plaît! Silence! Alors, on va attendre une seconde. liée quand on fait une rotation comme ça. Voilà. Rotation interne. Le pied se dirige vers l'interne. Rotation externe. Le pied émerge externe. Oui. C'est clair? Oui. Voilà. Alors, c'est clair aussi, il y a deux signes importants pour la hanche. Vous avez un peu de silence, s'il vous plaît. Pour les antennes particulières très précoces pour la hanche, il y a ce qu'on appelle le signe du salut coxal. Le signe du salut coxal. Alors, c'est quoi ce signe? Le signe du salut coxal, la rotation étant décubitus dorsal, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on demande aux malins de soulever le ventre. Genou tendu, on y soulève le ventre, genou tendu jusqu'à 30 degrés. Et là, le patient nous porte la notion de douleur intense au niveau de la hanche. Donc la poursuite, en poursuivant la soulévation, cette douleur disparaît généralement donc à 60-80 degrés, et ce qu'on appelle le syndrome postal. C'est un signe prédictif d'une atteinte très très fausse. Donc, pour une atteinte très avancée, c'est très facile de repérer une coxopathie. C'est clair? Donc, l'intérêt, c'est de détecter les formes dans un stade presque infraclinique. Vous avez aussi ce qu'on appelle le syndrome clinostatique. Pour la hanche, toujours. Alors, pour le genou, pour le genou, toujours en position debout, pieds nœuds, position debout, recherchez toujours à l'inspection des troubles, donc des fanères, on ne revient pas, et puis des troubles de la statique, d'accord, des membres inférieurs. Et là, donc, vous avez normalement, pour un sujet lourd-même, donc vous avez les deux malléoles et les deux condyles fémoraux qui se rejoignent en position debout, normalement. Pour quelqu'un qui présente donc une malformation, il y a plusieurs types de malformations. Vous avez genu vagum, genu flexum et genu recurvatum. C'est fatigant. Si sans tenter l'examen général par la suite, vous êtes obligé de faire l'examen général. Jamais Bernard, mon Dieu, fais l'examen qui m'a. Silence. Sans bruit, s'il vous plaît. Alors, j'ai vu varan, c'est une déviation en non. En parenthèse, comme on dit. Ouais. D'accord. C'est-à-dire, dans ce cas-là, vous avez les deux condyles fémoraux qui deviennent distants. D'accord, ils sont deviennent distants. Et là, normalement, il va falloir calculer cette distance pour le suivi du malade, normalement. J'ai le valgan, c'est l'inverse. C'est les deux condyles qui se rejoignent avec ces déformations X, comme on dit, avec les deux condyles qui se rejoignent et les malléoles, un élargissement des malléoles internes. Ouais. D'accord. Le genu, les seins, bon, genu varan, genu valgan, c'est dans un plan frontal, d'accord. Dans un plan sagittal, c'est-à-dire se placer en latéral du malade, d'accord. Le genu flexum, donc c'est une flexion, c'est en flexion, c'est une déformation en flexion du genou, d'accord. Un genou qui est déformé en flexion. Genu recurvatum, c'est l'inverse du genu flexum, d'accord. C'est une déformation extension, d'accord. Comment ça? Bon, c'est l'inverse du genou flexum, d'accord. Et le genou recurvatum, ici, généralement, une atteinte des ligaments croisés, d'accord. Quand vous avez, c'est-à-dire vous avez une rupture des ligaments croisés. Genou, varan, valgan, dans le sens frontal, sens sagittal, flexum, recurvatum. D'accord. Ouais. Pardon? Non, c'est pas congénital. Sauf pour les sujets qui ont une hyperlaxité. Il y a certaines pathologies qui, dans une hyperlaxité ligamentaire, et en position debout, on a l'impression que c'est des patients qui ont un genou récurvatum. D'accord? Voilà. Ceci à l'inspection. Donc, toujours le genou sur une table d'examen. Malin. Un peu de silence, s'il vous plaît, sinon j'arrête. Et vous n'auriez des questions que sur ça. Silence, s'il vous plaît. Donc, toujours en position debout, toujours essayez d'inspecter s'il y a un comblement des cul-de-sac, d'accord, et des méplats, d'accord, des méplats rotuliens qui signent l'existence d'un épanchement. Toujours. Voilà. Sur une table d'examen, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez plusieurs structures à examiner. Vous avez la rupture, vous avez l'articulation donc fémoro-tibiale, la fémoro-patellaire, les tendons, la capsule. Oui. Bon. Principalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Rechercher donc ce qu'on appelle le signe du glaçon, vient du choc rotulien, vient le signe du flot. Donc c'est la même chose, c'est la présence donc d'un épanchement au niveau de l'articulation du genou. Comment faire? Donc genou tendu, qu'est-ce qu'on fait? Au niveau de l'articulation du genou en elle-même, on essaie de bien empaumer, on empaume pour ramener le maximum d'épanchement sous la main, d'accord? Et qu'est-ce qu'on fait? On exerce avec l'index des mouvements de percussion sur la rotule contre la trochlée, d'accord? De haut en bas, ok? Comme ça. C'est de l'empaumer et vous percutez comme ça sur la bouche, sur la rotule. Donc normalement, quand il y a un épanchement, vous allez sentir la rotule qui flotte dans du liquide. Et là, on dira que le patient donc, a un choc rotulien positif. D'accord? Vous avez donc, toujours dans l'examen clinique, essayez de palper les facettes articulaires médiales et latérales, c'est-à-dire interne et externe des rotules, de la rotule, dans le cadre d'une chondropathie rotulienne. Flexion du genou, extension, d'accord? L'extension, flexion, la flexion elle est de 130 à 140 degrés. Donc l'hyperextension, généralement qui est de 0 à 15 degrés. Voilà. Et essayer dans l'arthropathie, donc chondropaténaire, c'est-à-dire de la rotule avec la trochlée, on a le signe du rabot. Le signe du rabot. Qu'est-ce qu'il faut faire? Toujours le genou tendu, on prend la rotule du manège. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des mouvements de va et vient dans un sens horizontal et perpendiculaire donc à l'autre. Donc va et vient, puis dans le sens inverse. Et ceci va nous faire sentir des sensations de crissement. D'accord? D'accord? Ceci prédit de destruction du cartilage de la rotule dans le cadre d'une arthrose. D'accord? Des sensations de crissement. D'accord? Alors, toujours pour le genou, n'oubliez jamais d'examiner le creux poplité. C'est très compliqué, je sais. Le creux poplité à la recherche de connexion dans ce qu'on appelle le kyste de Becker. Très fréquemment dans les arthropathies chroniques, d'accord, du genou, inflammatoire ou mécanique. C'est une expansion du liquide synovial ou postérieur. D'accord, qui s'enquiste pour donner cette formation kystique. Oui. On le fonctionne bien. Oui. Quand il est important, il faut le fonctionner. Quand c'est abondant, il faut le fonctionner. Il faut même infiltrer. Parfois, on infiltre des infiltrations. D'accord. Alors, les ménisques, pour l'étude des ménisques, pour la rotule, pour le genou, vous avez ce qu'on appelle le silence. Donc, vous avez ce qu'on appelle pour l'étude des ménisques internes ou externes, fait le test d'entrée. D'accord. Alors, c'est quoi? Le patient étant, vous avez aussi le McMurray, bon, c'est pas la peine, je limite à ça. Alors, le patient décubitus ventral, le malade en décubitus ventral, genou fléchi, genou en décubitus ventral, genou fléchi à 90 degrés. Qu'est-ce qu'on fait? On maintient par la gauche la jambe du patient et par la droite le pied du malade. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des mouvements de pression et rotation interne. Pression, rotation externe. En même temps. Pardon? En même temps. En même temps. Pression, rotation externe, pression, rotation interne, pression, rotation externe. Alors, quand le patient apporte une douleur généralement très vive, d'accord? Donc, si on fait le mouvement de rotation externe, déclenche une douleur par lésion méniscale interne. Donc, et la rotation interne pour l'externe. On fait la pression pour rotation externe pour explorer le ménisque interne, pression pour rotation externe pour le ménisque interne. Ceci pour le D'accord. Madame, tu as grinding ou la test? C'est le même. C'est le même. Vous avez le pack muré en décrit tout dans ce que c'est comme ça. Vous avez fait le pack muré. Bon, c'est pas la peine. Non, qu'on a terminé. silence, s'il vous plaît. Masque prochain. Je termine avec bon, la cheville, le pied, c'est facile, c'est très facile. Je termine avec l'axe rachidien. Ça va nous prendre de bon, était normalement à 10h. Essayez d'être là à 9h, Inch'Allah. Je vous termine l'axe rachidien. L'après-midi, on a deux cours à faire, Inch'Allah.